Les nuits de France Culture, la nuit spéciale héros et lecture d'enfance se poursuit. Nuit commencée avec Christophe Mourtet, venu nous présenter ses propres héros. Les héros de quand il était petit, les jouets de la télévision et du cinéma. Une collection qui donne lieu à une exposition au Musée de la Poupée à Paris, impasse Berthaud dans le 3e arrondissement. Et puis aussi un livre du même titre, Mes héros de quand j'étais petit, en collaboration avec Frédéric Menon. Alors nous avons pu écouter depuis le début de cette nuit la Tribune de Paris, la littérature enfantine par Paul Guimard, et puis à l'instant des trois contes d'après Charles Perrault. Plus tard dans la nuit viendront Mowgli de Kipling, et puis Un bon petit diable de la comtesse de Ségur et Les pieds nickelés. Mais la demi-heure qui vient, nous allons la passer en compagnie d'un scénariste de bande dessinée qui, alors si j'en crois ses dernières œuvres, non seulement a dû élire quelques héros importants de fiction quand il était enfant ou adolescent, mais qui se plaît aujourd'hui à les faire vivre, voire à les faire revivre. C'est bien votre cas, Luc Brunswig ? Tout à fait. Deux personnages qui ont traversé mon enfance, Bob Moran et Sherlock Holmes. Oui, puisque vous signez en compagnie d'Aurélien Ducoudray le scénario d'une nouvelle aventure de Bob Moran et Dimitri Armand signant le dessin. Alors, vous allez déjà m'expliquer ce Bob Moran très réussi qui sort aux éditions du Lombard. On me dit que c'est un reboot. Alors, déjà le titre. Le mot est un peu barbare. Bob Moran, Bob Moran, Renaissance, Les Terres Rares. C'est le premier volume, donc il y en aura 2, 3, 4, une trentaine, j'espère. Qu'est-ce qu'un reboot ? Un reboot, c'est en fait c'est une invention américaine qui consiste en fait à réinventer en permanence un personnage. Par exemple, Batman, c'est un personnage des années 30 et on va dire tous les 10-20 ans, il est réinventé par une équipe d'auteurs ou un auteur en solitaire. C'est-à-dire qu'on reprend l'histoire intégralement à zéro, comme si le personnage n'avait jamais connu d'aventure. Et on réinvente ces histoires dans un contexte contemporain. Donc, par rapport à Batman, il y a dû avoir 5 ou 6 recréations depuis sa naissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que le personnage a soit plus de 75 ans, un gamin de 2015 considère Batman toujours comme un personnage extrêmement d'actualité, parce que non seulement on l'a réinventé, mais en général ce sont des recréateurs de grands talents qui s'en occupent. Alors on est loin, Luc Brunswig, des aventures de Nicolas Pimprenel, Thierry Lafronde, Pollux et autres euros qui nous ont intéressés en début de nuit, parce que Bob Moran, c'était un des héros de votre enfance, mais je pense qu'il y en a eu d'autres, et on n'était pas tellement du côté de choses très douces, très gentilles. Non, je me trompe? De mon côté, j'étais un garçon très très gentil, très mignon, et peut-être que j'ai même frotté à des histoires un petit peu plus féroces, qui me sortaient un peu plus de mon quotidien. Donc moi, j'ai grandi avec les personnages de la Marvel à une époque où on en parlait beaucoup beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette expansion cinématographique auxquelles ils sont voués aujourd'hui. C'était des choses très très confidentielles qui paraissaient dans les kiosques. Marvel, c'était quoi? C'était américain? C'était des... Marvel, c'est américain. J'y suis venu par le personnage de Spider-Man qui avait un dessin animé à l'époque, un dessin animé très très laid d'ailleurs, faut bien le reconnaître. Et un jour, un ami de mon frère m'a appris que Spider-Man n'était pas juste un personnage qu'on pouvait voir à la télévision, c'était quelqu'un qui vivait des aventures dans des bandes dessinées et dans des magazines qui paraissaient en kiosque, qui étaient réalisés par les éditions Lug à l'époque. Et donc il m'a fourni pendant mes vacances... je crois bien environ 150 volumes différents. Et j'ai passé mes vacances à décortiquer ces volumes et je me suis dit, définitivement, c'est la bande dessinée que j'ai envie de faire. Alors pourquoi je me suis dit ça? C'est parce qu'en fait, ma maman, qui est quelqu'un de relativement angoissé, m'a tenu un peu à l'écart de la réalité du monde. Et que quand j'ai découvert les personnages de la Marvel, qui avaient cette particularité d'avoir une vie privée, là où en général les héros franco-belges n'en avaient pas, j'ai eu l'impression que ces personnages me racontaient quelque chose, soit que j'avais pas compris, soit auquel j'avais échappé, et j'avais envie de rejoindre J'avais envie de rejoindre la vie. Alors c'est assez drôle finalement de se dire que c'est pas le côté super héroïque qui m'a intéressé à ces personnages, c'est vraiment les choses très très quotidiennes, de justement comment ils géraient le fait d'avoir ces pouvoirs dans un contexte très très normal, on va dire. Alors vous, Luc Brunswick, donc pas de littérature franco-belge, mais peut-être que vous avez quand même, enfin de bande dessinée franco-belge, vous avez dû évidemment les fréquenter, mais est-ce que les romans de Henri Verne, parce qu'il faut quand même citer avant tout le nom du créateur de Bob Moran qui nous intéresse cette demi-heure avec vous, vous les aviez lus? Parce que c'est des romans au début, c'est pas la bande dessinée, c'est arrivé plus tard. En fait non, pas spécialement, c'est pas Henri Verne n'est pas un romancier qui a beaucoup titillé l'imaginaire de ma génération. Alors moi je suis né à la fin des années 60. J'ai échappé, mais alors de justesse, à Henri Verne. Moi, c'était plutôt. Alors, c'est vrai, j'ai démarré avec le Club des Cinq, le Clan des Sept, si je. Oui, oui. Quelque chose comme ça. Du même auteur, de la même auteur. De la même auteur. Edith Blyton. Et oui, on va dire. Bon. Enfin, des choses. Oui, vous en êtes éloigné, hein, oui. D'après le scénario, en tout cas, de ce dernier Bob Moran. Beaucoup. Alors, je me suis demandé, moi, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on reprend Bob Moran, parce que quand même on y va en tremblant peut-être, ou qu'est-ce qu'on doit oublier? En fait, on va revenir à l'histoire, à cette fameuse histoire de reboot. C'est quelque chose qui est très très consensualisé aux États-Unis et par contre qui est très très peu pratiqué en France, pour une simple raison, c'est qu'en général, quand un auteur meurt, il y a un lectorat, un reliquat de lectorat qui est toujours là. Et en général, quand on poursuit une série, c'est dans l'idée, je vais pas dire bassement commercial, mais il y a un peu de ça quand même, de conserver ce lectorat, voire d'en acquérir un petit surplus. Donc, en général, on demande aux auteurs de figer graphiquement les personnages dans la continuité graphique de ce qui a été fait, afin justement de ne pas effrayer les lecteurs qui pourraient s'y intéresser. Nous, on va dire, on a eu la chance avec Bob Moran. Alors, comme vous l'avez dit, c'est essentiellement et à la base des romans. La carrière en bande dessinée a connu un déclin ces 10-15 dernières années. Et nous, on est arrivé à un moment où le lectorat n'était vraiment plus présent, quoi. Donc, on nous a dit, il faut créer un choc autour de Bob Moran. Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que là, de toute façon, si on continue sur la même ligne que celle qui est engagée, il se passera jamais rien. C'était fantastique. Moi, c'est vrai que ça fait des années que je reproche, justement, à la BD franco-belge de figer un peu trop les choses, de pas laisser la fibre artistique des auteurs parler sur des reprises de personnages. Oui, mais attention, parce que vous l'avez dit, en plus il y a l'intégrale qui reparaît aux éditions du Lombard, et on est heureux de relire ces bandes dessinées qu'on avait lues enfant. Ça n'empêche pas, en effet. Ça n'empêche rien du tout. Ça n'empêche rien. Mais vous êtes bien obligé quand même, Bob Moran, vous n'avez pas demandé à votre dessinateur de faire un petit blond aux yeux bleus. Ça reste quand même une espèce de type un peu balèze comme ça, aventurier, plus ou moins dans l'armée. Enfin, beaucoup dans l'armée. Il a toujours été. Oui, mais il était un peu chez les Anglais. Guerre mondiale. Hein. Oui, et puis bon, là, il est plus. Il a toujours donc 33 ans. Il a toujours été élevé par une vieille tante en Bretagne. Toujours. Il a toujours pour ami Bill Ballantyne. Toujours. Il se vouvoie toujours. Oh. Oui. Pour des raisons qui sont explicitées dans l'album. Il va croiser quand même Mademoiselle Ilang-Ilang, pas tout de suite, mais plus tard. Déjà. Oui, Bill Ballantyne la croise, mais bon. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, donc, cahier des charges, malgré tout, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous êtes obligé d'être. C'est un vrai faux cahier des charges, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on accepte de travailler sur un personnage déjà existant, il faut conserver les fondamentaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver sa liberté une fois qu'on a installé ses fondamentaux. Donc, nous, ce qu'on a surtout amené, c'est le fait que Bob Moran, qui vivait ses aventures dans les années 50, nous, on l'a recontextualisé dans un contexte justement qui contemporain, mais qui dérive assez rapidement vers 2025, un futurisme. Oui. Parce qu'on s'est dit, l'avantage de Bob Moran, c'est que cet homme traverse le monde. Il a la chance de pouvoir porter un regard sur tout ce qui est en train de s'y passer. Et allons plus loin encore, essayons même d'imaginer ce qui va se passer dans le futur, quoi, et d'utiliser Bob Moran comme vecteur d'une réflexion sur notre époque et sur son avenir, tout simplement. Aucun candidat au présidentiel en France n'aura envie de devenir président s'il joue Bob Morane. Hein. C'est vrai que s'il voit la scène qu'on réserve au président de la République, effectivement, ça risque de briser quelques carrières politiques. Alors, bon, Bob Morane, il doit rester unique, exemplaire, singulier. Il est dans une actualité, en effet, qui est peut-être plus lointaine. Comment pouvez-vous faire, comment avez-vous choisi Luc Brunswick d'en faire un héros qui ne ressemble pas aux autres héros? Parce qu'après tout, on prend quelqu'un de fort, quelqu'un d'aventurier, une tête brûlée, voilà, et il va en Afrique, il est dans l'armée, mais il est un peu rebelle. Finalement, ça pourrait être n'importe qui. Il faut qu'il reste Bob Morane. Il faut que les lecteurs des romans de Henri Verne et des bandes dessinées qui vont se jeter sur les intégrales et qui aiment leur Bob Morane, les nouveaux lecteurs, les enfants de 10 ans. C'est déjà qu'on en a déstabilisé quelques-uns, hein. Il ne faut pas se le cacher. Mais, on a quand même quelques vrais, vrais fans de Bob Morane qui nous ont dit qu'ils ont retrouvé le personnage tel qu'il aime, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dire non à un moment à sa hiérarchie, enfin, qui a une vraie foi en l'humanité, une vraie envie d'aider. Et une des choses qui nous a intéressé dans cette reprise, c'est de voir où on en était par rapport à ces valeurs de sacrifice personnel, de gens qui mettent leur vie au service des autres. Parce qu'on se rend bien compte qu'actuellement, c'est plutôt des valeurs qui font malheureusement, je dirais, sourire. Et on voulait voir si on arrivait à créer un Bob Morane qui restait ce chevalier blanc, mais sans qu'il y ait de ricanement au coin des lèvres des lecteurs. Et donc, en lui donnant des fondamentaux et une cohérence qui fasse que le personnage, effectivement, dans son choix d'aider l'humanité, reste crédible. Il est lieutenant à la 13e brigade parachutiste de Rennes, mais il a vraiment une tête de civil quand même. Ah bah sur la couverture, oui. Par contre, dès qu'on ouvre l'album, là, on voit effectivement un militaire qui est devant un tribunal militaire et qui est jugé pour insubordination, puisqu'il a refusé de répondre à l'ordre qui lui était donné de ne pas intervenir lors d'une mission au Nigeria où des casques bleus dont il fait partie sont censés s'interposer entre la population chrétienne et la population musulmane pendant une élection. On lui donne pas des ordres inhumains, l'armée n'est pas comme ça, mais on refuse qu'il soit... Qu'il intervienne, voilà. C'est-à-dire qu'il est témoin d'une attaque portée sur une famille nigériane. Et il demande à pouvoir intervenir avec sa section et on lui refuse ce droit parce qu'en fait, les gens qui attaquent la famille en question sont des chrétiens dans un quartier chrétien. Donc l'armée considère que c'est à la police nigérienne d'intervenir et pas à l'ONU. Sauf que la police n'aurait pas le temps d'intervenir et que Bob et Bill Ballantyne décident d'intervenir à ce moment-là. Alors, les choses en main. Quand même, ce Bob Morane, c'était peut-être un héros d'enfance. Après tout, c'est le titre de cette première nuit. Il y en aura une deuxième. D'après ce que vous nous dites, quand même, est-ce que c'est pas maintenant passé pour un lectorat d'adolescents et d'adultes, bien sûr. On a eu la chance de rencontrer un romancier qui travaille sur les romans de Bob Morane. Alors ça, c'est drôle parce que dans un premier temps, on l'a déstabilisé. Parce que pour lui, c'était un autre Bob Morane, il nous a dit. C'est un Bob Morane adulte, mais ça reste Bob Morane. Mais c'est plus le Bob Morane de mes lectures d'adolescent, effectivement, c'est ce qu'il nous a dit. Et il dit, c'est effectivement, à partir du moment où on accepte l'idée qu'on a vieilli, c'est bien d'avoir un personnage qui grandit avec nous. C'est peut-être aussi une des choses que personnellement je reprocherais à la bande dessinée franco-belge, c'est peut-être la soirée des reproches, c'est qu'on n'a pas de personnages qui grandissent en même temps que leurs lecteurs. Il n'y a pas de gens qui prennent la main de leur lectorat et qui grandissent avec eux. Le Spider-Man que moi j'ai connu dans mon adolescence n'est plus le Spider-Man d'aujourd'hui où les préoccupations effectivement sont beaucoup plus adultes. Enfin vous, Luc Brunswick, vous avez aussi une tactique dans l'appropriation des héros et ça c'est avec Holmes, c'est que vous tournez autour finalement. Vous allez c'est autre éditeur, c'est pas chez Au Lombard, c'est chez Futuropolis, c'est le quatrième volume. Ouais. Vous vous intéressez à ce héros, c'est quand même un héros de, d'enfance, d'adolescence, de, ah oui. de tout temps, Sherlock Holmes. Mais comme il est mort, chacun sait qu'il, qu'il meurt en 1891, encore qu'il y a un point d'interrogation et on sait pourquoi. Parce que Conan oui, Doyle... on sait bien que Conan Doyle l'a ressuscité. Ouais. Mais finalement, c'est la famille de Sherlock Holmes qui vous intéresse dans ces volumes en fait, que vous publiez avec Cécile au dessin. J'avoue que j'ai un... Enfin, une de mes grandes envies par rapport à tous les personnages que je mets en scène, c'est de comprendre pourquoi ils sont ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ça m'amène assez régulièrement, voire quasiment tout le temps, à évoquer leur enfance, leur relation avec leurs parents, enfin les choses qui les ont fondées psychologiquement. Et bah on a un Holmes là qui quand Cécile m'a demandé si j'avais une idée pour une histoire de Sherlock Holmes, très très vite on s'est dit finalement on va faire ce que Watson espère depuis toujours, on va trouver le moment où il va pouvoir enquêter et résoudre l'énigme qu'est son ami. Et plutôt que d'avoir une enquête de Sherlock Holmes, on a une enquête sur Sherlock Holmes par le docteur Watson. Qui va découvrir bah, la raison, alors je ne dirai pas laquelle. Mais non, on n'en est qu'au quatrième tome. Donc, tout à fait. La raison qui a fait que Sherlock Holmes est... qu'il se méfie des femmes, qu'il se drogue, qu'il est... j'allais dire mythomane, mais ce n'est pas le mot. Misanthrope, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est un peu dissimulateur aussi, mais comme tout détective qui cherche la vérité, il faut qu'il mente lui-même. Tout à fait, qui est un peu foufou dans sa façon d'être, dans une Angleterre très, très rigoriste. Voilà, on a trouvé, enfin, on a eu l'idée d'une réponse et on est en train de construire cette histoire autour de Sherlock Holmes. Oui, et puis vous la construisez finalement autour de personnages réels. Enfin, je pense que la Dame de Scutari, c'est le dernier tome de Holmes. Est-ce qu'elle existe ou enfin, moi, c'est Florence Nightingale. Donc oui, voilà, elle existe. Elle a eu son grande importance au cours d'une guerre. Je peux même vous avouer qu'il y aura le personnage de Karl Marx dans le tome 5. Bon, on sait que il y a eu aussi Freud, non? Il a pu croiser Sherlock Holmes ou c'était dans des films. Il était à Vienne. Oui, c'est arrivé. Oui. C'est arrivé. C'est justement au moment où Watson découvre que son ami se drogue, il l'emmène voir Freud pour que Freud le désintoxique. Enfin, c'est une mine et ça vous permet de parler de personnages qui sont connus, enfin soit par le reboot de Bob Moran, soit parce que la célébrité immense de Sherlock Holmes dans le monde entier. Mm-hmm. Vous avez inventé des personnages avec et des personnages, enfin vous-même comme scénariste, oui, tout à fait. Et moins connu. Non, c'est pas ça. Mais moins torturé. Moins torturé. Non, pas du tout. Non, vous voulez... non, c'est toujours des personnages relativement torturés. C'est vraiment un vrai travail sur le passé, le présent et l'avenir de mes personnages. Enfin, je donne beaucoup d'éléments pour que les gens puissent continuer à travailler sur ces personnages, même en dehors de mes histoires. Quoi. Voilà, il y a un vrai gros bagage. Donc, un héros aujourd'hui, enfin, une lecture pour des enfants, des adolescents de cette fin 2015 et c'est bientôt 2016, ce sont des héros torturés. Enfin, en tout cas, avec des enfances qui ne sont pas celles... Ah, c'est pas les enfances faciles, oui, c'est sûr. Hein, entre Sherlock Holmes, alors je commence à donner un petit peu le belle voile de la... Non, ne dites pas trop, là. Voilà. Mais c'est vrai que Bob Moran, lui, est un orphelin. Holmes a une famille qui est pas facile. Et tout ça donne des personnages... Mais je crois qu'aussi, c'est une des raisons, par exemple, pour laquelle Holmes est un personnage qui reste moderne aujourd'hui. C'est que c'est un personnage qui a une... qui donnait des pistes, alors qui apportait pas forcément de réponse par rapport à ces pistes, mais c'était un personnage très beaucoup plus sombre, par exemple, que Arsène Lupin à l'époque, qui avait des aventures plus joyeuses, on va dire, qui étaient des personnages beaucoup moins construits au niveau de l'intellect, enfin pas de l'intellect. C'est là, il a une biographie, Arsène Lupin. Oui, attention, oui. Hein, non, je suis en train de me tromper de mots. Oui, non, non, ils étaient beaucoup moins. Comment dire ? Vous avez toute la nuit. Moi, voilà, ils n'avaient pas cette part d'ombre que beaucoup d'auteurs ont essayé de lever sur le personnage de Sherlock Holmes. Parce que je ne veux pas prétendre être le premier à chercher à comprendre le personnage. En tout cas, vous n'êtes pas le premier, vous êtes à redonner vie à Bob Moran, Bob Moran Renaissance. Est-ce qu'on va retrouver, Luc Brunswick, Tania Orloff, l'organisation Smog, et puis L'Ombre Jaune, bien sûr. Alors L'Ombre Jaune, et Tania Orloff, on les retrouve dès d'estomac. L'organisation Smog, alors on a traduit Smog en chinois, ça s'appelle du VU. C'est une société militaire privée maintenant, puisque l'idée c'était véritablement de ramener certains éléments dans l'actualité. Et un des vrais gros sujets qu'on travaille avec Aurélien Ducoudray, c'est le développement actuel des sociétés militaires privées, qui pose le problème de leur... du fait qu'elles ne peuvent être jugées internationalement lors d'affrontements. Donc en fait, aujourd'hui, n'importe quel pays peut engager une armée privée et se laver les mains de toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour de leur action. Mais jamais Bob Moran n'entrera dans ce genre de... Alors, la réaction de Bob Moran, c'est peut-être de monter un groupe d'action justement pour contrecarrer l'action de ces sociétés militaires privées. C'est-à-dire justement d'avoir un groupe d'action qui lui choisit ses causes et qui permet de venir au secours des gens, quoi. Enfin, il ne va pas être vraiment dans une ONG humanitaire non plus, Bob Moran. Il a quand même un passé d'espion, Là, il n'a pas de... Non, pas ici. Il a un passé, Bob Moran. Il a un passé de militaire. Il ne vous appartient pas complètement, vous savez. C'est Brunswick, tous les lecteurs, soit des romans de Henri Verne, soit des premières bandes dessinées, qui ressortent donc aussi au Lombard. Et ils vont passer de l'un à l'autre. Ça va être étonnant quand même. Assister à la première rencontre entre Ballantine et Miss Ilang Ilang, alors qu'on sait, il devrait faire attention. Il devrait savoir. Nous, on a lu, il devrait savoir que c'est pas une gentille. Non, mais ça c'est drôle. En fait, il y a une acceptation assez facile d'un certain nombre de lecteurs et il y a des réticences tout aussi compréhensibles de la part d'autres. Mais en général, c'est plutôt le choix de respecter l'esprit philosophique du héros qui intéresse. Le fait que justement, Bob Moran, avec ses valeurs très positives, continue de vivre dans un futur crédible, on va dire. Alors, futur crédible est très peu calme, que ce soit en Afrique ou en Europe. Est-ce qu'il va se servir peut-être dans les prochains tomes, Bob Moran, parce que là, c'est les terres rares, Bob Moran Renaissance, les terres rares, mais il va y avoir d'autres tomes, par définition, d'autres volumes. Est-ce qu'il va flirter avec la science-fiction? Parce que jadis, On s'est dit qu'on allait vraiment tout crédibiliser. Donc c'est pour ça qu'on a une petite part de science-fiction, dans le sens où on travaille sur des évolutions technologiques qui commencent à pointer le bout de leur nez. Un bras artificiel, mais il y en a déjà qui commencent à être bien bien au point. Donc des bras artificiels qui sont commandés directement par le cerveau. C'est des choses qui sont en train de se faire. Et on est passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on a imaginé l'idée de casque technologique, voilà, c'est ça, qui permettent en fait aux élèves un apprentissage immédiat, puisque les données sont téléchargées directement dans le cerveau. Alors, on est déjà dans la science-fiction, en effet. Et donc, la vraie question, c'est de savoir si c'est très sain de télécharger des données brutes directement dans un cerveau sans interroger les données en question. Et puis, et la réponse est dans le tome 2. Oui, mais déjà, elle est dans le tome 1, parce qu'on comprend bien que... On commence doucement, effectivement, à comprendre que, y a peut-être que les choses qui sont... les données qui sont fournies par ces casques peuvent avoir une influence pernicieuse sur les gens à qui ces données sont fournies. C'est du bourrage de crâne, pour employer une expression antique. C'est comme si on avait la possibilité, je ne sais pas, de convaincre des gens en une microseconde qu'on est le meilleur, alors que cinq minutes avant, ils pensaient qu'on était un abominable salopard. Ah, j'ai l'impression, là, on a évoqué un président de la République français à qui il arrive quelques soucis dans ce tome 1. C'est vous le scénariste, mais je me demande si son épouse n'est pas un peu impliquée dans l'histoire, non? Non. Non. Non. Non, non, elle avait l'air un peu... C'est une veuve un peu bizarre. C'est... bon, c'est une veuve comme... enfin, certaines femmes de présidents français ou américains qui ont leurs bonnes œuvres, on va dire, qui sont effectivement la... qui poursuivent un peu... qui... Elle va poursuivre au-delà de la mort de son mari. Oups. Spoiler. Elle va poursuivre au-delà de la mort de son mari l'œuvre qu'il avait engagée, mais sans véritablement se poser la question de ce qu'il y a derrière. Ah bon, je n'ai pas à attendre un deuxième tome où j'apprendrai qu'elle a commandité l'assassinat de son mari. Ou... Ah non, non. Ah, c'est dommage, déjà je... mais c'est bien, s'il y a déjà des possibilités de fausses pistes, c'est que l'histoire est suffisamment riche. Oui, c'est ça, parce qu'elle est riche. De toute façon, vous avez donc écrit, Luc Brunswick, le scénario avec Ducoudray. C'est ça, Aurélien voilà. Ducoudray. Comment vous travaillez? On écrit l'histoire ensemble. Aurélien, qui est plus dialoguiste que moi, même si je crache pas sur l'idée d'écrire des dialogues, mais Aurélien est un très très vraiment très très bon dialoguiste. Il me fournit des rushs, c'est-à-dire qu'il écrit des dialogues comme ils lui viennent, en développant les scènes qu'on a imaginées ensemble. Et ensuite, je reprends le matériel qu'il me donne et pratiquement comme au cinéma, je coupe, je colle, je réajuste certains dialogues. Enfin, je fais ma petite sauce. Mmh. Mais vous n'avez pas relu l'un et l'autre les 100 ou non, plus romans d'Henri Verne. Non, non. On a resté sur 2-3 tomes pour voir comment c'était. Et vous le remerciez, lui, en tout cas, en... Henri Verne. Voilà, en disant il nous a permis de jouer avec son héros. Faut être honnête, maintenant il le regrette. Ah, il le regrette? Il n'a pas été très tendre avec nous dans certains commentaires. Il est même allé jusqu'à dire qu'avec Aurélien, on ne savait pas écrire. C'est pas gentil. Mais ça vous fait une publicité formidable, peut-être. Oui, mais ça nous fait de la peine aussi. Bon, ça va. Vous ne risquez rien avec Conan Doyle, c'est déjà ça. C'est toujours ça de prix. Est-ce que vous avez lu l'intégrale, le tome 1 vient de paraître, enfin, il est paru cet automne, oui. Beaumorane et l'oiseau de feu, Beaumorane et le secret de l'Antarctique, Beaumorane contre la terreur verte, parce que certes, vous n'êtes pas contemporain de la parution de ces bandes dessinées, mais vous, quand même. Ben, je vais les lire. Vous allez les lire. Recevoir l'album. Non. Bon, ben voilà, vous allez terminer votre année, Luc Brunswick, en lisant ce qu'on écrit et dessiner vos... Alors, au dessin, c'était Dino Attanasio, et le scénario était d'Henri Verne. J'ai vu aussi quelque part que les romans, alors qu'il est publié dans Marabout Pocket, on voit très bien le format et les dessins, c'est Pierre Joubert qui, le premier, avait... En s'attendant plutôt à le voir dessiner des scouts. Bah, c'est pour ça que Beaumorane a longtemps été considéré comme un boy scout qui traversait la jungle, en fait. Armé. Armé, mais boy scout, toujours prêt. Toujours prêt. Bon, eh bien, écoutez, Luc Brunswick, on va se précipiter sur la série des Holmes, 1854-1891, publiée chez Futuropolis. Le dernier tome vient de paraître, c'est La Dame de Scutari. Et puis donc, sur ce Beaumorane Renaissance, premier tome Les Terres Rares, publié aux éditions du Lombard. Quel est le titre du tome à venir et quelle est sa date de parution? Le Village qui n'existait pas, et ça sortira le 4 octobre 2016. Non. 10 mois à attendre. Bon, Beaumorane, donc, Renaissance, Les Terres Rares, mais déjà il y a à lire et à relire et à attendre que reviennent les mauvais qu'on a aimés et puis à se réjouir de cette immersion, non pas tellement dans l'année 2015-16 à venir, mais finalement 2025. Plutôt 2025, oui, mais je tiens à dire que les mauvais sont pas... C'est plus nuancé que ça. Les gentils sont nuancés et les méchants sont nuancés aussi. C'est les pays aussi très gentils qui peuvent être des méchants, etc. C'est ça. C'est des choix qui plaisent pas toujours qui plaisent à certains, qui ne plaisent pas à d'autres. Bon, après la lecture de Beaumorane, on va écouter donc Mowgli parmi les loups et Un bon petit diable de la comtesse de Ségur. Vous voyez que c'est pas du tout Luc Brunswick. C'était sans doute pas vos héros de lecture d'enfant. Mowgli, j'ai bien aimé. Bon, elle est pieds nickelés. C'est ma maman, ça. Bon, bah, elle écoutera.